Chapitre 8. Péoula et Sakir. Le droit inscrit dans la langue. Toute l'architecture du respect du travail dans la Bible hébraïque repose sur deux termes qui méritent une attention particulière parce que leur signification même constitue un argument irréfutable. Péoula, quand l'œuvre et le salaire partagent le même nom. Le terme hébreu « péoula » possède une double signification strictement indissociable. L'œuvre accomplie, le travail, la composition, la performance musicale et la récompense due pour cette œuvre, le salaire, la rémunération. Cette indissociabilité n'est pas un accident linguistique. C'est une déclaration ontologique. En hébreu, l'acte de travailler et la rémunération de ce travail portent le même nom, parce qu'ils sont la même chose. Le travail n'est pas complet sans sa contrepartie. La rémunération n'est pas un geste de générosité optionnelle. C'est la continuation naturelle et nécessaire de l'acte de travailler. Retenir la péoula, c'est amputer l'acte de sa substance. Sakir, le travailleur dont les droits sont protégés par la Torah. Le terme sakir désigne le travailleur salarié, l'employé loué pour un temps ou une tâche. La Torah est limpide. Tu ne retiendras pas le salaire du journalier jusqu'au lendemain matin. Lévitique 19:13. Deutéronome 24:14-15 étend cette protection aux étrangers. La protection du sakir est universelle, sans exception théologique d'aucune sorte. Un musicien qui répète des heures chaque semaine et joue lors des cultes est un sakir. Il accomplit une péoula. Ces deux réalités appellent une rémunération, pas par manque de foi, pas par cupidité, par respect du droit inscrit dans la langue même que Dieu a choisi pour se révéler à l'origine. La continuité dans le Nouveau Testament, timé et mistos. L'apôtre Paul reprend et consolide ce principe. En 1 Timothée 5:17-18, il justifie la rémunération des serviteurs de la communauté autour de deux mots grecs précis. Le premier est timé. Souvent traduit par honneur, ce mot possède en grec classique une double signification indissociable, l'estime morale et le prix marchand, la valeur financière. C'est le même mot utilisé en 1 Corinthiens 6:20. Vous avez été racheté à grand prix. Timé. Paul demande que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double timé. Double honneur, double prix. Les deux sont inséparables dans le terme. Le second est mistos, le salaire explicite. Paul cite le Christ lui-même. L'ouvrier ergates mérite son salaire, mistos. Le terme « ergates » désigne un travailleur qui produit un effort physique et technique. Ce n'est pas un terme mystique, c'est un terme professionnel. Leçon 8. En hébreu, l'œuvre et le salaire partagent le même mot « péoula » parce qu'ils sont la même réalité. Le salaire n'est pas un cadeau optionnel, c'est la continuation nécessaire de l'acte de travailler. La Torah protège le sakir sans exception. Le Nouveau Testament confirme ce principe en liant le mistos, salaire, à la timée, honneur et prix indissociable. Un musicien d'église est un sakir qui accomplit une péoula. La Bible est sans ambiguïté sur ce qu'on lui doit.